Alice et Merveille de Stéphane Michaka. D'après Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll avec l'Orchestre national de France. Musique originale et direction d'orchestre Didier Benetti. Réalisation Cédric Aussir. Depuis que j'ai fermé les yeux, j'entends plus ma sœur. Elle a peut-être été absorbée par son livre. Sa tête, son cou, la moitié de son corps ont été absorbés. Ah oui ! J'imagine le livre posé sur l'herbe et ma sœur, la tête à l'envers, pique du nez dans son bouquin. Ses jambes sont raides et quand elle tombe sur une phrase amusante, son pied gauche se met à frétiller. Je m'ennuie. Ma sœur passe ses journées plongée dans des livres sans images ni dialogues. Non mais franchement, qui a envie de lire des livres sans images ni dialogues? Je préfère encore garder les yeux fermés et imaginer des positions amusantes pour la lecture. Mes oreilles, mes moustaches, je suis en train d'oublier l'heure, moi. Ah, jamais. Où est ma montre? Je vois ma chaîne et pas ma montre. Ma chaîne et pas ma montre. Ma chaîne et pas... Elle est là, dans mon gilet, au bout de la chaîne. C'est malin d'avoir une chaîne à deux extrémités. S'il n'y avait qu'une seule extrémité, je trouverais tout de suite ma montre. En même temps, on ne peut pas tout simplifier. Prenons les aiguilles d'une montre. S'il n'y avait que les secondes, le temps passerait trop vite. Et s'il n'y avait que les heures, il s'écoulerait trop lentement. Avec deux aiguilles, le temps s'équilibre. Même si à cause de mes yeux de myope, je ne suis jamais sûr de l'heure. Voyons, il doit être à peu près... Oh là là, oh là là, je suis en retard. Le temps ne peut pas passer comme ça. Il faudrait le suspendre à un arbre et lui faire les poches. Qu'il me rende mes minutes, qu'il me rende mes heures. Ah. pas ma sœur. Bon, à trois, j'ouvre les paupières. Oh là là, jamais été si en retard. Qu'est-ce que je fais si ma sœur est engloutie dans son livre? Il faudra que je l'attrape par les chevilles et que je la sorte de là. Où en étais-je? Ah oui. Deux. Et la reine qui joue au croquet à 5 heures et je n'ai rien préparé. Oh là là. Trois. Je crois que j'ai pas envie d'ouvrir les yeux. Je suis bien dans ma tête. Je me demande si c'est grave d'avoir autant d'imagination. Maman dit que c'est pas gênant tant que je prends pas un mot pour un autre. Par exemple, tant qu'une pelle reste une pelle et qu'une chatte reste une... Oh là là. Où en étais-je? Ah oui, à trois. À ce rythme-là, mes paupières vont s'ouvrir dans un an. Oh! Oh! Une jeune fille en robe bleue et tablier blanc. Trop tard pour freiner, je vais lui rentrer dedans. Faites qu'elle se lève, faites qu'elle se lève. Et trois. Ouf, elle s'est levée. Ça alors? Ma sœur n'est plus là. Elle a laissé son livre. Oh, un lapin blanc. Bon, ça n'a rien de curieux, je suis à la campagne, mais... Un lapin qui regarde l'heure sur sa montre à gousset? Oh, ça, c'est curieux. Le revoilà. On dirait qu'il me tourne autour. Ou qu'il cherche son terrier. Hep, monsieur le lapin, je peux vous aider si vous voulez. Il ressemble à quoi, votre terrier? Et hop, dans le souterrain. Il l'a trouvé sans moi. C'est pas très poli, hein. Il aurait pu m'attendre. Jamais descendu dans un terrier, moi. Je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble là-dedans. Les mots tombent dans le terrier. Ils roulent là-dedans et mènent leur vie à eux. Je les entends plus. Ohé ! Peut-être qu'en rapprochant mon oreille... Oh, quelle dégringolade ! Ma jupe me remonte sur les joues. Aïe ! Oh, c'est dangereux ici ! Je reçois un pot de marmelade sur la tête. Oh, ce terrier est plein d'étagères et de placards. C'est curieux. J'ai plus l'impression de flotter en l'air que de tomber. Tant mieux, ça me laisse le temps de goûter. Quelle tuile! Le pot est vide. Je vais me reposer plus bas. Oh, voilà, que je rechute! Si je continue à tomber comme ça, je vais ressortir de l'autre côté de la planète. Oh, comment s'appellent les habitants de l'Australie? Les Australopithèques. Non. Voyons. Ils vivent aux antipodes. Ce sont donc des antipodiens. Dégringoler, oui, mais sans oublier de planer. Thank you. bas, on dirait. Heureusement que j'ai rien de cassé. Ça ferait des miettes partout et j'ai pas envie de m'émietter. Par mes astaches et mes mourailles, je suis de plus en plus en retard. Hé ! Monsieur le lapin, vous allez où comme ça ? Mais attendez ! Il a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette salle ? On dirait un vestibule. Il y a 3 portes. Laquelle choisir ? Toutes verrouillées, il doit bien y avoir... une clé ! J'avais pas vu cette table en verre. Ni la clé en or posée dessus. Ou les serrures sont trop larges ou la clé est trop petite. Pas moyen d'ouvrir. Il y a quoi derrière ce rideau ? Une toute petite porte. Ah, mais c'est par là que le lapin a dû sortir. Ah oui ! C'est la bonne clé ! Quel jardin merveilleux! Ces parterres de fleurs, ces fontaines qui jaillissent. Oh, j'ai envie de m'y promener. Cette porte est trop petite! Ma tête passe et pas mes épaules! Oh, j'aimerais pouvoir rapetisser comme un télescope! Tiens! Une fiole sur la table ? Elle n'y était pas il y a un instant. Qu'est-ce qu'on lit sur l'étiquette ? Ça n'a pas l'air d'être du poison. Délicieux. Un goût de tarte aux cerises. Crème à la vanille. Ananas. Dinde rôti. Caramel. Pain grillé au beurre. Oh, il en reste un peu. Mais... je rapetisse... Oh là là, je dois faire 20 centimètres là. Oh, si je rétrécis encore, je vais m'évaporer dans les airs comme la flamme d'une bougie. Eh. Maintenant, je suis assez petite pour passer. Sauf que j'ai laissé la clé sur la table et je suis pas assez grande pour l'atteindre. Voilà un gâteau que j'aurais trouvé minuscule quand j'étais grande. Et qui a une taille très appréciable maintenant que je suis toute petite. Réfléchissons. S'il me fait grandir, je pourrais prendre la clé. S'il me fait rapetisser, je me faufilerai sous la porte. Ah, bref, quoi qu'il arrive, j'ai tout intérêt. À n'en faire qu'une bouchée. Je m'allonge comme le plus grand télescope du monde. Aïe ! Bon, j'espère avoir avoir terminé ma croissance, sinon je vais crever le plafond. Tout est bizarre aujourd'hui. Voyons, comment j'étais en me réveillant ce matin? Je crois bien que je me sentais différente. Mais alors, si je ne suis plus la même, la question est... Je suis qui, au juste? Une petite fille ou... Arrête de pleurer, voyons. J'essaye, mais... J'y arrive pas. Bah, moi qui croyais qu'on pleure moins quand on est grande, oui, c'est ce que je croyais aussi. Arrête de pleurer, t'entends-tu? Je m'entends bien, mais... J'ai plus fort que moi. Bah, ce n'est pas en pleurant que tu vas grandir, hein. Je veux sortir de là. Et redevenir celle que j'étais hier. Trop tard. Même ma poitrine est en train de pousser. C'est pas épouvantable, ça? Fais voir. Encore ce lapin. Il tient un éventail maintenant. Je vais lui demander de m'indiquer la sortie. Vite, avant qu'il disparaisse. Par mes eustaches et mes mourelles. Zut. Tu es fait peur, grande comme je suis. Il a perdu son éventail. Oh, il fait de plus en plus chaud dans ce vestibule. Oh, il est minuscule, son éventail. J'ai l'impression de m'éventer avec un dé à coudre. Je rapetisse encore plus que tout à l'heure. Cette eau, j'ai bien peur de nager dans les larmes que j'ai pleurées quand j'étais grande. Je savais pas que mes larmes étaient aussi salées, moi qui déteste le sel. Et pas un grain de sucre à l'horizon. C'est pas le moment de pleurnicher. J'ai pas pillé dans mes larmes. Plus je pleure et plus je bois la tasse. Ouf. J'ai bien failli y rester. Je suis trempée jusqu'aux os. On peut me voir en transparence. C'est un peu indécent. Et maintenant que je fais moins de 10 cm, je vais pouvoir entrer dans le jardin. Champignon géant. J'en ai jamais vu d'aussi grand. À moins que... Ah oui, bien sûr. C'est pas le champignon qui est grand, c'est moi qui suis petite. Son chapeau a l'air de partir en fumée. Je vais mettre sur la pointe des pieds pour voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chenille bleue qui fume une pipe à tuyaux. Qui es-tu ? Qui je suis ? Difficile à dire, monsieur. Je croyais le savoir en me réveillant ce matin, mais depuis, je n'arrête pas de changer. Que veux-tu dire par là ? Explique-toi. Je crains de ne pouvoir m'expliquer, car je ne suis plus la même, vous voyez ? Non, je ne vois pas. Ah, ça doit être à cause de la fumée que vous soufflez avec votre... Monsieur ? Hookah. Monsieur Hookah, d'accord. Moi, c'est Alice. Vous me voyez maintenant ? Viens plus près, Alice. Ça va être difficile, monsieur. Même sur la pointe des pieds, je fais à peine 10 cm. C'est une très bonne taille. Bon, pour vous, peut-être. Mais pour moi, c'est fatigant de passer sans cesse par des hauts et des bas. Tu m'as l'air bien secoué. Viens plus près. Je ne peux pas, je vous dis. Vous-même, vous seriez bien secoué si votre taille changeait 3 fois dans la même journée. Non. Non ? Et quand vous deviendrez une chrysalide, ça vous arrivera un jour, vous savez. Et ensuite, un papillon, eh ben vous vous sentirez secoué. Vous croyez pas ? Non. Comment vous pouvez en être sûr ? L'essentiel est de garder son calme. Mon calme ? Tu ne veux pas venir plus près ? Non ! Il faut d'abord que je grandisse. Ça va tarifer un jour. Oh, c'est pas une question de tarif. C'est juste que pour grandir, il faut que j'avale quelque chose et je ne sais pas quoi. Monsieur ? Monsieur Hookah ? Un côté te fera grandir et l'autre rapetisser. Un côté de quoi ? L'autre côté de quoi ? Du champignon. Hé ! Vous allez où ? Il est parti. Qu'est-ce qu'il a dit ? Un côté du champignon me fera grandir et l'autre... Mais comment savoir lequel est lequel ? Que disait ce dicton qu'on nous apprend à l'école ? Dans le doute... Dans le doute, précipite-toi. Voyons ce qui se passe si je grignote un bout de chaque côté. Oh, m'étourdis. Je ne me sens pas dans mon assiette. J'ai l'impression de voir mes pieds à la loupe. On dirait que j'ai grandi des pieds, mais pas du reste. Tu es seulement au début de ta croissance. Qui a parlé? Le chat du Cheshire. Cheshire. Ça s'écrit comment? C-H-E-S-H. Où est-ce que vous êtes, au juste? Sur une branche, au-dessus de ta tête. Je ne vois qu'un sourire. Et maintenant? Ça alors? Vous clignotez? Il a disparu. Tu ne dirais pas cela? Ah, où êtes-vous? Si tu avais les yeux derrière la tête. Je vois un sourire de chat sans chat. Comment t'appelles-tu? Alice. Mort, Alice. À pleines dents. Ça fait grandir. J'hésite. Pourquoi? J'ai peur de devenir folle. Ça, tu n'y peux rien. Tout le monde est fou ici. Tu es folle. Je suis fou. Comment savez-vous que je suis folle? Tu l'es forcément, sinon tu ne serais pas venue ici. J'ai souvent vu un chat sans sourire, mais... un sourire sans chat, c'est la chose la plus curieuse que j'ai vue de ma vie. Bon, je vais mordre là-dedans. Au point où j'en suis. Mes jambes s'allongent. J'ai de nouveau le tournis. Ça commence à bien faire. Garde ton calme. Tout le monde me dit ça, mais ça me satisfait pas, moi, de garder mon calme. Aïe, ça sent la crise d'adolescence. Oui, tous ces gens mielleux qui me disent de grandir. Par mes griffes, elles me dépassent d'une tête. Vous savez ce que je leur réponds, moi? Filons à l'anglaise. Fou. dis, maman, quand on grandit, on peut faire tout ce qu'on veut ou rien de ce qu'on veut? Ouais. D'accord. Je te plie de me passer le spoon, veux-tu? Attrape-moi le sugar, mon bon friend. Je croyais être ton good ami. Je n'ai pas de goût pour les amis comme toi. Ou alors, avec du salt and pepper. Du salt and pepper? Où veux-tu que j'en trouve? Pepper a toujours eu bon teint. Sans joke. Oh. Où suis-je? La voilà qui se wake up. Parlons French, sans quoi elle ne va rien gotten. Offshore. Offshore. J'étais en train de planer. C'est bien beau de planer, mais vous devriez vous couper les cheveux. Qu'est-ce que je fais assise à cette table? Vous êtes ici, hors de chez vous. Dis le chapelier fou et hors de chez nous. Dis le lièvre de Mars. ça serait pas plutôt vous, le chapelier fou, avec votre haute forme? Et lui, avec ses brins de paille sur la tête, ça doit être le lièvre de Mars, non? On ne peut rien vous cacher. Moi, c'est Alice, enchantée. How do you do? Reprenez un peu de thé, Malice. Alice. J'en ai pas encore pris du thé. Comment voulez-vous que j'en reprenne? Vous en avez déjà pris par le passé. Donc, vous ne pouvez plus en prendre. Vous êtes voué à en reprendre. Elle a avoué? Chut, endors-toi. Ce Loir est impayable. Il passe sa vie à regarder des séries, mais il s'endort toujours au milieu. Pour ne rien rater, il se réveille toutes les 5 minutes. Il dort en pointillé. C'est toujours ça de pris? De repris. Pourquoi vous vous agglutinez dans ce coin? Il y a des tasses tout le long de la table. Elles sont déjà servies. Oui. Depuis que ma montre ne surmonte plus, c'est toujours l'heure du thé. Je t'avais bien dit que ça ne servait à rien de beurrer le mécanisme. C'était du beurre de première qualité. Mais tu l'as beurré avec le couteau à pain. Des miettes ont dû glisser à l'intérieur. Tiens, débrouille-toi maintenant. Le meilleur beurre du monde. Plonger la montre dans votre thé n'arrangera pas les choses. Plonger, gna gna gna gna gna gna gna. Oh, est-ce que vous êtes mal poli? She's raison. You are un mufle. Un mufle, moi? Et puis quoi, again? Hier, it was un fils de prostitute. C'est quoi, cette langue? C'est pour que les jeunes filles bien élevées ne puissent pas nous comprendre. Je suis pas cruche, hein. Je comprends tout ce que vous dites. Fils de prostitute, il a dit. Et ça veut dire quoi? Que... sa mère était substitut du procureur. C'est la substitut qui l'a tué? Rendors-toi! Changeons de sujet. Pourquoi un corbeau est identique à un bureau? Moi non plus. Comment ça? Bah moi non plus, je sais pas. C'est la substitut qui était le corbeau. Rendors-toi! Cette fois, dans la théière. Ah non. Mais ils sont complètement fous. Non. Ils essayent de fourrer le Loir dans la théière. Non. Jamais je remettrai les pieds dans ce thé de ouf. Oui. Vous me raconterez la suite, hein? Thank you. curieux. On dirait une porte sur ce tronc d'arbre. Voyons si ma clé... Oui, elle s'ouvre. Sur le domaine d'un roi. Tout est si ordonné. Pas un brin d'herbe ne dépasse. On dirait des soldats là-bas, sur le parvis du château. Ils viennent relever la garde. Approchons-nous pour mieux voir. Drôle de soldats. Ils sont plats comme des cartes à jouer. Mais ce sont des cartes à jouer. Des cartes ornées de cœurs rouges. Même les roses de ce jardin sont peintes en rouge. Elles dégoulinent comme si elles perdaient du sang. Prends garde, petite fille, méfie-toi. Prends garde à l'amour. Prends garde, tu vas t'égratigner. Oh, pardon! J'ai cru qu'elle me parlait. Ces roses-là, si elles parlaient, elles pourraient nous avertir. C'est curieux. Elle est habillée comme une reine de cœur. Mais non, elles se contentent de nous planter leurs épines dans le... là où ça fait le plus mal. Vous voulez dire... là ? Non. Là. Dans le cœur ? Mais... oh, ça peut tuer. Comment t'appelles-tu ? Alice. Tu n'as rien vu, Alice. Rien vécu. Je sens qu'elle va me prendre la tête. Je vais te faire une confidence. Restons polis. C'est peut-être vraiment une reine. Les épines absentes de ces roses-là sont dans ce cœur-ci. Depuis qu'à minuit il rendit les cartes, quittant notre jeu en me disant je t'aime. Reine solitaire, je revois sans cesse le loup de velours du bel inconnu qui battait les cartes sur un lit de rose en me disant je t'aime. J'ai des épines dans le cœur, reine éperdue de fureur. Où s'est-il envolé, mon bel inconnu? Où s'est-il enfui, ce prince de la nuit? J'ai des épines dans le cœur, nuit dont j'oubliais les heures. Je me garde pour lui. Que le vent m'emporte là où s'est enfui mon prince d'une nuit. C'était peut-être le jardinier. Comment? Ou l'as de pique, je sais pas. Moi? Avec un as de pique? En tout cas, ça n'a pas l'air de l'avoir gênée de rouler avec vous sur des épines. Elle me manque de respect. Ah, ah, j'oublie que je parle à une reine. Qu'on lui coupe la tête. Majesté, que se passe-t-il? Je vois toute cramoise d'un carmin plus moisi que d'habitude. C'est elle la petite nouvelle que tu as recrutée comme caddie ? Oui, Majesté, pour votre partie de croquet qui doit débuter dans... Oh, il y a 10 minutes. On m'a recruté, moi ? Allons, la reine attend. Va chercher les boules et le maillet. Mais où ça ? Derrière la roseraie, comme je te le disais tantôt. Je n'étais pas là tantôt. Je me prends pour une autre. Hé, il est bigleux, votre lapin. Oui, et en plus, il entend à demi. Qu'on lui coupe la tête. Tu entends ? Elle veut que sa partie soit prête. Bon, je lui apporte ses maillets et je me tire. Je tiens à garder ma tête sur mes épaules, moi. Pourquoi es-tu en retard ? C'est que, ma majesté, j'étais occupé. À quoi de plus urgent que ma partie de croquet ? Si elle apprend que je suis trop myope pour lire les aiguilles d'une montre, je ne donne pas cher demain. J'attends. Occupé à déjouer un complot contre vous. Un complot ? Qui a osé ? Qu'on leur coupe la tête ! Oui, ce matin, à l'instant où je sors de mon terrier, je vois distinctement une jeune fille en robe bleue et tablier blanc s'introduire sur votre domaine avec je ne sais quelles intentions sévicieuses. C'est vicieuse. C'est ce que j'ai dit, une vicieuse. Tu es sûre d'avoir bien vu ? Aussi sûr que de mes eustaches et de mes mourailles. Ce n'est pas pour te vexer, mon lapin, mais tu sais que tu es myope comme une taupe et sourd comme un pot. Voilà ! Voilà, voilà ! Majesté, je vous apporte vos maillets et vos boules. Comment sens-moi, mon enfant ? Je fais trancher quelques têtes et j'arrive. Pas si sourd, Majesté, que je ne puisse entendre un complot se fromenter. Se faux-menter ! Ah bon ? Elle veut que je joue au croquet ? En robe bleue et tablier blanc, tu disais. De plus en plus curieux. Je dirais même curiosissime. Ce maillet est un flamant rose. Et les boules à mes pieds sont des hérissons vivants. Ils se chamaillent en plus. Comment faire pour taper dans un hérisson avec un flamant rose ? Peut-être que... Si j'attrape le flamant par les pattes... Et que j'essaie de... le flamand ! Si tu me fixes avec cet air idiot, j'arriverai jamais à croquer le hérisson de la reine. Les soldats se recourbent et forment les arceaux. Ils se déplacent ! Pas un pour se courber sur ma trajectoire ! Bon, c'est pas très poli. J'aurais essayé. Voilà mon hérisson qui roule en boule, roule et roule, il prend de la vitesse, grimpe le long des chevilles et disparaît sous les chutes de... Désolée. Qu'on lui coupe la tête. Silence dans le tribunal. Un tribunal ? Il y a encore 20 secondes, j'étais sur le terrain de croquet de la reine. Oui, la justice est expéditive dans ce pays. Mais ne vous en faites pas, nous allons prendre votre affaire en main. Le chapelier fou ? Le lièvre de Mars ? De quelle affaire s'agit-il ? Votre procès pour haute trahison. Mais je n'ai rien fait. Vous le direz à la cour. Vous êtes mes avocats ? Ça dépendra de l'issue du procès. On n'est pas assez fou pour défendre une coupable. Coupable comment ? Avec une hache. On vous retrousse le col et... Fini de porter le chapeau. C'est curieux. Mon père m'a décrit le déroulement d'un procès et ça n'y ressemble pas, ce que vous dites. Votre père a sans doute voulu faire court. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Notre ami le Loire est greffier. C'est lui qui notera votre déposition. Il sera plein de trous, il ne fait que dormir. Oui, il vous faudra de solides alibis pour combler ces trous. Qui a volé les tartes ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il se croit dans l'audience précédente, Majesté. Celle du valet qui a dérobé vos tartes. Lui a-t-on coupé la tête à ce valet ? Oui, Majesté. Alors ôtez ces tartes de notre vue. Elles font saliver les jurés. Ça alors ? Les jurés sont des animaux à poils et à plumes. qu'ils écrivent sur leurs ardoises. Ils s'apprêtent à noter les chefs d'accusation. Les chefs d'accusation ? J'aimerais bien les connaître. La parole est à la soustraction. L'accusation, elle veut dire ? Non, la soustraction. La parole sera ensuite à la défense. Non, à l'addition. Quoi que vous disiez, ce sera retenu contre vous. Soustrait à votre innocence. Et additionné à votre charge. Mais ne vous en faites pas, nous prenons votre affaire en main. C'est curieux, je ne me sens pas rassurée. Nous n'aurons pas grand-chose à faire. Le lapin blanc est nul en soustraction. Chut ! Écoutons-le. La demoiselle Alice, ici présente, est accusée d'avoir fomenté un complot. C'est faux ! La soustraction a mal lu. Ma cliente fermentait du pain complet. Qu'est-ce qu'il raconte ? Le chapelier fou embrouille la soustraction. Et comme le lapin est trop bigleux pour se corriger tout seul... C'est ce que je disais. Ce vain complot, elle l'a fomenté. Oh, ah ben... Il n'y a pas que ça. L'accusé a fricoté avec des rebelles. Mais pas du tout. Ma cliente mijotait de plus belle. C'est ce que je disais. Silence dans le tribunal. Laissez la soustraction, aussi myope soit-elle, lire l'acte d'accusation. Majesté, je... Continuez. Le jury retiendra qu'elle a frijoté. J'ai quoi ? Frijoté ? Ben, c'est nouveau, ça. Ça vient de sortir. Comment peut-on m'accuser d'une chose qui n'existe pas ? Mon père ne m'a jamais parlé de ça. Vous aurez enfin quelque chose à lui apprendre. L'accusé a diffusé des tracts. N'importe quoi ! Elle a fricassé des tartes. Qui a tassé les cartes ? Le jury retiendra qu'elle a frifusé. Enfin, je crois... Oh ! Allons, ne perdons pas de temps. Le verdict et ensuite le délibéré. Ce n'est pas le délibéré qui doit venir en premier ? Seulement dans les pays où la justice est lente. Accusé ? Mais rasseyez-vous ! Je suis assise. Vous êtes de plus en plus grande malice. Cet enfant n'a pas le droit de me dépasser d'une tête. Je m'en occupe, Majesté. La susdite Alice. Susdite ? Vous venez du sud ? Mais non ! Ma cliente vient du nord. Pour avoir fromenté, frijoté, frifusé, la nudiste Alice est condamnée à avoir... la coupe tété. Eh bien, Alice, pourquoi te font-ils des misères ? Un chat flotte dans l'air ! Non, un sourire de chat. Et usage de stupéfiants ? Mais oui, ils sont stupéfiants. Je ne comprends rien à leurs usages. Tartez-lui la coupe ! Qui a appelé les tourtes ? Regardez, je grandis toute seule maintenant. Je ne m'attarderai pas si j'étais toi, à moins de vouloir raccourcir d'une tête. Les soldats se mettent à arrêter tout le monde. À le moment de retomber sur mes pattes, la reine pourrait me reconnaître. C'est mon bel inconnu. Oh oh. Tétez-lui la courbe. Qui a tété les tartes ? Les fonds fiers. Laissez-moi grandir. Et de garder fond calme. Quoi ? Elle veut grandir ? Coupez-lui la tête. Maudite carte ! Elle s'empile pour me fouetter les joues. Écartez-vous ! Écartez-vous de mon visage ! Coupez-lui ! Ah, ça suffit ! Vous n'êtes rien qu'un jeu de cartes ! Du grand saule. Quel rêve curieux. Quel pays étrange. Ma sœur n'est plus là. Elle a emporté son livre. Il n'y a plus que le bruissement des feuilles et mon reflet dans le ruisseau. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet éclat au fond de l'eau, on dirait la montre du chapelier fou. Le soir tombe. Je ne vois pas bien à cette distance. Autant revenir demain. Si la montre brille toujours au fond de l'eau, j'irai la chercher. Une montre venue de ce pays étrange, ça peut toujours servir. Pour suspendre le temps. Suspendre le temps, il ne faudra ni clé en or, ni sourire de chat, ni lapin blanc et sa reine sanglante, mais l'entre-deux d'une valse lente. Pour suspendre le temps, il ne faudra que le bruit insistant de tes pas sur un chemin imaginaire ou pas, un tic n'arrêtera ta course. Pour suspendre lapin blanc et sa reine sanglante, mais l'entre-deux d'une valse lente. Pour suspendre le temps, tu garderas intact au cœur cette chanson-là, et tu iras en un lieu ou pas, un tic n'arrêtera ta course. Mon cœur se ressource dans l'entre-deux d'une valse lente. Il tintera mieux qu'une toquante pour suspendre le temps. Mon cœur se ressource. Il tintera mieux qu'une Alice et Merveille, de Stéphane Michaka. D'après Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio, le 17 janvier 2015. Avec l'Orchestre National de France et les solistes de la maîtrise de Radio France. Musique originale et direction d'orchestre, Didier Benetti. Alice, Juliette Roudet. La Reine de Cœur, Emmeline Bayard. Le Lapin Blanc, Philippe Lodenbach. La chenille, Samir Gesmi. Le chat du Cheshire, William Nadilam. Le chapelier fou, Jean-Paul Faré. Le lièvre de Mars, Raoul Fernandez. Le Loir, Alexandre Aubry. Bruitage, Sophie Bissantz et Elodie Fiat. Musiciens metteurs en ondes, Paul Malinowski et Elsa Biston. Directeur du son, Pierre Monteil. Lumière, François Ledreff et Éric Paringot. Prise de son, Pierrick Charles et Pierre-Henri. Sonorisation, Frédéric Changenet, Jean-Benoît Tétu, Hugolin Crépin-Leblanc, Romain Lenoir, Jean-Baptiste Etchepare-Borde. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossir. Une coproduction Orchestre National de France, France Culture, Service des Fictions.